Ah ouais, la meuf, elle t'a fait un truc chelou, elle t'a fait du sale, boy. Je t'explique même pas, c'est du sale, mais elle m'a fait du salami, mon frère. Ah ouais, t'as mis dans un bourbier chelou, frère. Vas-y, tranquille, là, les autres, là, sont là-haut, là, ils ont pris un temtem à Bruxelles, là. Ah c'est lourd. Voilà. On va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, chicha, bon, tout bon, posé, bon. Au calme. Des gros dorsaux, Mélanie mon gabachi d'Orsel. Kiké j'adore ça, t'as rien que ça qui me nettoie quand je dors sale. J'viens pas des Pyrénées, j'fais mal comme un piranha. Six pull, self pull, c'est ici que le Pyrénées. Nada oui je viens bien les dominer, toi tu vas tomber comme un domino. Oui je suis bien le mal le dominant, c'est pour ça que dans Top 10 je serai nominé. La prod je la casse, faut que t'encaisses, toi tu trépasses car je suis le best. J'te fais pas la passe, j'te dis ni la baisse, car douiller tes potes, ça c'est ta base. On est plus des chipeux, nos faces de piqueux. Mes gars va te mêler, si tu nous as chippé. Tu blablates, tu blablates sur mon département. Tu blablates, mais quand on débarque, tu mens. Ils vont nous détester. C'est pour MC, ils veulent nous tester. Et la vie nous fait des messes basses. Sponsorisé par des fers comme un souvenir dans ma tête repasse et repasse. On te bastonne et puis basta. Tu fais le fou, on te pesta. Quand tu nous vois baisser, pantalon levé, pas baisser à la besta. La rue a fait de nous ce qu'elle voulait. On est technique à rouler. Tu te prends une balle, qu'est-ce que tu faisais là? Tu fais du bruit comme un vous là. Amitié en fer, car nos proches sont cassés. Caché, on te casse, on te casse ta gueule, garage sur les cascadeurs. Gare promise, pas encore foulé, un caché, tu fais putain de foulard. Sors les gants, pousse des foules, des tigasses aux grands qui sont devenus des foulards. On progresse, rappeur innocent, tu régresses, rappeur défaillant.